Ah, mes amis, Noël, c'est du bonheur, mais quand ça s'arrête, ouf, comme dirait une ex, ça fait mal. J'ai passé des fêtes de Noël de fou furieux, je suis rentré au pays. Ah, chaque fois que je rentre, c'est la même chose, j'ai le blues. Les adieux sont de plus en plus déchirants avec ma famille. Ah, si vous n'étiez pas là, je crois bien que je dirais définitivement bye bye Paris pour rentrer m'installer dans la banlieue d'Innsbruck. Ah, ne rigolez pas. J'ai mal. J'ai attrapé un coup de cafard quand je suis rentré hier soir. Pendant 10 jours, c'était la fête. J'ai fait péter 60 braguettes. Toute ma famille autour de moi m'a célébré comme un vrai roi. 35 perchus dans une maison. Y a de quoi perdre la tête et le fion. Pour le réveillon, on s'était déguisé en cendrillon pour se faire fouetter. La messe de minuit avait même dérapé. 2 enfants de cœur qui chantaient mal ont été castrés par le curé. Il y avait une ambiance infernale grâce à mes cousines nymphomanes. La grande Olga, la petite Germaine, elles aiment bien quand on les malmène. La vieille Frida, la grosse Sophie, m'ont même fait des trucs interdits. Enfin Zoé, ma préférée, plus jamais elle pourra marcher. Le lendemain de Noël, Gunther avait 30 ans. On lui a offert un sac avec une hache dedans. Il a dit merci. Je vais l'essayer maintenant. Dorénavant, notre voisin n'a plus ni femme ni enfant. Pauvre voisin, on l'a emmené boire du schnapps pour se consoler. Au bout de 20 litres, il nous a dit, il faut que je vous parle, mes amis. Ça fait 15 ans que je veux tuer ma femme. Elle est moche et plus conne qu'un âne. Quant au gamin, quel soulagement. Il me coûtait cher, ils étaient chiants. Et puis hier soir, j'ai dû faire mes adieux, quitter les miens, vider les lieux. On s'est embrassés, on a pleuré, on a ri. Enfin tout le monde s'est allongé et j'ai fait ma tournée de frottis. Et puis hier soir, j'ai dû faire mes adieux, quitter les miens, vider les lieux. Christophe, vous voyez, j'ai le blues qui me colle à la peau. Je comprends. Il est vachement sérieux. Hein. T'as passé tout. Oui, non, d'un seul coup, il y a une fibre un peu sentimentale qui s'exprimait. Ah oui, mais ça, c'est le retour aux sources. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. La tournée de frottis, c'était émouvant, c'est vrai. Ah, il s'en rappelle. Mais ça allait déjà mieux que j'étais à la gare, je suis monté dans le train, et c'est peut-être un épisode que je vous raconterai bientôt.